Mon oncle, homme de plaisir, ainsi que mon père, ne savait pas comme lui se captiver par ses devoirs et prenait assez peu soin de nous. Ma tante était une dévote un peu piétiste qui aimait mieux chanter les psaumes que veiller à notre éducation. On nous laissait presque une liberté entière dont nous n'abusâmes jamais. Toujours inséparables, nous nous suffisions l'un à l'autre, et n'étant point tentés de fréquenter les polissons de notre âge, nous ne prîmes aucune des habitudes libertines que l'oisiveté nous pouvait inspirer. J'ai même tort de nous supposer oisifs, car de la vie, nous ne le fûmes moins, et ce qu'il y avait d'heureux était que tous les amusements dont nous nous passionnions successivement, nous les tenions ensemble, occupés dans la maison, sans que nous fussions même tentés de descendre à la rue. Nous faisions des cages, des flûtes, des volants, des tambours, des maisons, des équifles, des arbalètes. Nous gâtions les outils de mon bon vieux grand-père pour faire des montres à son imitation. Nous avions surtout un goût de préférence pour barbouiller du papier, dessiner, laver, enluminer, faire un dégât de couleur. Il vint à Genève un charlatan italien appelé Gambacorta. Nous allâmes le voir une fois, et puis nous n'y voulûmes plus aller. Mais il avait des marionnettes, et nous mîmes à faire des marionnettes. Ces marionnettes jouaient des manières de comédie, et nous fîmes des comédies pour les nôtres. Faute de pratique, nous contrefaisions du gosier la voix de Polichinelle pour jouer ces charmantes comédies que nos pauvres bons parents avaient la patience de voir et d'entendre. Mais mon oncle Bernard, ayant un jour lu dans la famille un très beau sermon de sa façon, nous quittâmes les comédies et nous nous mîmes à composer des sermons. Ces détails ne sont pas fort intéressants, je l'avoue, mais ils montrent à quel point il fallait que notre éducation première eût été bien dirigée pour que, maîtres presque de notre temps et de nous, dans un âge si tendre, nous fussions si peu tentés d'en abuser. Nous avions si peu besoin de nous faire des camarades que nous en négligeons même l'occasion. Quand nous allions nous promener, nous regardions, en passant, leurs jeux sans convoitise, sans songer même à y prendre part. L'amitié remplissait si bien nos cœurs qu'il nous suffisait d'être ensemble pour que les plus simples goûts fissent nos délices.